dance to the fly, to the feeling of now. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On a découvert le rock avec mon prof d'anglais. Les paroles sont géniales. Ah, super ça! Et sinon, ta chambre, elle serait pas un petit peu rock'n'roll aussi? Mais papa! Pendant les vacances, Acadomia propose des stages d'anglais façon summer camp, à domicile, en centre ou en ligne. L'occasion de profiter de l'été pour progresser, où que vous soyez. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Six coups de couercous in solitudine, m'apprit-on un jour lointain en classe de latin dans une vie antérieure, tel le chêne dans le désert. De cette locution latine implantée dans ma mémoire est venue ma curiosité, mon affection toute particulière pour les chênes que je n'ai cessé de planter et de replanter. Le chêne, arbre des arbres, associé à la majesté et à la sagesse, symbole de force, de justice et de robustesse. Mais saviez-vous que sans intervention humaine, le chêne aurait très probablement disparu de nos latitudes, remplacé par le hêtre? Nous allons nous enfoncer aujourd'hui en forêt à la rencontre de couercous et des nombreuses espèces animales et végétales qui y sont liées. Auprès de mon chêne, c'est le programme Sylvestre qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour passer une heure au pied de ces nobles arbres, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Tillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable biodiversité de l'Office national des forêts, en charge des inventaires naturalistes et auteur de « Être un chêne sous l'écorce de couercus ». C'est aux éditions Actes Sud et nous sommes en ligne avec Francis Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire d'excellence arbre dans l'unité interaction arbre-micro-organismes de l'INRA et de Nancy et auteur de Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. C'est chez Humaine Science. Mais on commence par le tour de l'actualité scientifique de ces derniers jours et du week-end. Et c'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, la surveillance génomique de l'épidémie se précise en France. Dès aujourd'hui, les tests PCR vont cibler les mutations du SARS-CoV-2. Et pour suivre l'évolution des variants sur notre territoire, depuis janvier, nous faisons du séquençage d'échantillons. Alors ça consiste à analyser l'ensemble de l'ARN du virus. Et contrairement à l'Angleterre ou à l'Allemagne, en France, on séquence peu, environ 5% des échantillons positifs. Santé publique France vient de mettre en place une nouvelle stratégie de surveillance des variants du SARS-CoV-2. Les laboratoires ont reçu de nouveaux kits pour cribler le virus. Les réactifs chimiques vont désormais en détecter 3 mutations d'intérêt présentes chez plusieurs variants. La mutation 484K, 484Q et L452R, qui correspondent à la position des acides aminés sur la protéine de pointe du virus. Alors pour le criblage, les résultats sont disponibles en 24 heures. Pour le séquençage, c'est une semaine. Cela va nous permettre de mieux estimer le poids des mutations sur la trajectoire de l'épidémie. Néanmoins, pour caractériser les différents variants, nous ne pourrons pas nous passer du séquençage, puisque plusieurs variants sont parfois porteurs des mêmes mutations. Et vous retrouvez bien toutes ces informations et toutes les études citées dans ce journal des sciences et dans le cours de l'émission, comme tous les jours sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. C'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang. Oui, chaque année, l'établissement français du sang fait appel à la générosité des Français et des Françaises. Mais aujourd'hui, dans ce contexte de crise sanitaire, partout en France, les stocks de sang sont au plus bas. Sang, mais aussi plasma ou plaquettes, les collectes ont été perturbées, voire complètement interrompues par l'épidémie. Et avec la reprise des opérations déprogrammées, la demande en produits sanguins est très forte. Si vous avez entre 18 à 70 ans, si vous êtes en bonne santé et si votre dernier don remonte à 8 semaines, vous êtes éligible au don du sang. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que la polio avait été éradiquée des Philippines. Et la polio, cette maladie très contagieuse qui entraîne des paralysies irréversibles et qui provoque la mort, touche principalement les enfants. Depuis 1988, les cas de polio ont chuté de 99,9% grâce à une campagne mondiale de vaccination. Éradiquée depuis 20 ans des Philippines, en 2019, le virus est réapparu. 17 personnes ont été contaminées. Mais après avoir vacciné des millions d'enfants, 18 mois plus tard, la polio est à nouveau éradiquée du pays. La maladie reste endémique dans seulement deux pays, le Pakistan et l'Afghanistan. Et enfin, selon une étude parue dans Science Advances, du sperme de souris conservé dans l'espace n'a pas été endommagé par le rayonnement spatial. Oui, on sait que le rayonnement spatial peut endommager l'ADN des cellules et on peut donc s'inquiéter pour la progéniture des astronautes après de longs voyages dans l'espace lointain. Une équipe japonaise a donc étudié les effets de ces radiations sur le sperme des mammifères. Les chercheurs ont lyophilisé du sperme de souris, ils l'ont déshydraté, puis congelé et conservé à bord de la Station spatiale internationale pendant 6 ans. De retour sur Terre, les chercheurs n'ont pas constaté de dommages sur l'ADN des noyaux des spermatozoïdes. Des femelles ont été fécondées et 8 bébés souris sont nés en parfaite santé. Alors selon ce papier, le sperme lyophilisé pourrait être conservé sur l'ISS pendant plus de 200 ans avant qu'il ne se dégrade. Mais on ne sait pas ce qu'il en serait pour des spermatozoïdes humains, ni dans l'espace lointain, loin du champ magnétique protecteur de la Terre. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Nous avons toutes et tous un arbre de prédilection, un arbre qui nous a marqué enfant, un compagnon de jeu, un endroit où trouver de l'ombre en été, un confident de nos secrets au pied duquel nous enterrions nos trésors ou qui nous a appris à défier la gravité en nous tendant ses branches pour y grimper. Pour Laurent Tillon, il s'agit d'un chêne, Quercus, vivant dans la forêt de Rambouillet, qui l'a conduit à mener une enquête et à raconter son histoire depuis sa naissance il y a 240 ans et sa transformation de simple gland en arbre majestueux. Et nous avons souvent d'ailleurs l'idée fausse que la France regorge de forêts anciennes aux arbres centenaires chenus qui ont vu apparaître et disparaître des civilisations. C'est globalement faux puisqu'il y a 200 ans, du fait de la très importante consommation de bois de chauffage, le couvert forestier en France était tombé à moins de 10% de la surface du territoire. Retour en 1952. Quel est le visage de la forêt d'alors? C'est notre archive du jour. La forêt française de 1952 ne ressemble que bien peu à la vieille forêt celtique façonnée par la seule nature. Le forestier en a continuellement changé la composition et le mode de culture pour les adapter aux besoins des consommateurs, besoins qui n'ont cessé de se modifier au cours des siècles. Au Moyen-Âge, l'homme cherchait en forêt la glandée et la litière pour son bétail, le bois pour son chauffage, puis le matériau de construction pour sa maison. Le ministre Colbert s'intéressait surtout aux chênes dont avait besoin la marine royale. L'homme du XXe siècle demande à la forêt avant tout une matière première indispensable aux puissantes industries que sont les usines de pâte cellulosique et de papier. Rien d'étonnant à ce que ni les mêmes essences, ni les mêmes modes de traitement ne puissent convenir dans les trois cas. Ainsi, la forêt française actuelle continue à se transformer. Les forestiers s'efforcent par une application judicieuse des progrès des sciences d'en augmenter la productivité tant en quantité qu'en qualité. Il faut aux Français de 1952 moins de petits bois pour le chauffage, davantage de bois d'industrie pour les mines et pour les pâtes qu'au siècle passé. La suprématie du chêne, roi de nos forêts feuillues, n'est plus incontestée. Le forestier favorise le développement d'autres essences, plus utiles encore à notre industrie, comme le hêtre, le peuplier et surtout la gamme variée des bois résineux, des sapins, épicéas, pins. Voilà l'état de la forêt, ou en tout cas ce regard sur la forêt française de 1952. Une réaction, Laurent Tillon, à cette archive? Ouais, c'est une archive qui est très intéressante parce qu'elle montre bien que, tel que le disait le spécialiste qui était interrogé, que la forêt, elle était en mouvement, qu'elle répondait à des besoins de l'humanité et que ces besoins n'ont pas arrêté d'évoluer dans le temps. Ils évoluent encore de nos jours. Et puis, peut-être plus d'ailleurs aujourd'hui qu'en 1952, elle est influencée par d'autres phénomènes un peu extérieurs. On avait un peu l'impression, dans le courant du XXe siècle, qu'on pouvait maîtriser finalement tout ce qui se passait en forêt. Il suffisait de planter les essences qu'on voulait. Et puis généralement, ça se passait exactement comme on pouvait le prévoir. Et maintenant, on est dans une période un petit peu plus délicate où on doit jouer avec des incertitudes, notamment climatiques. Et le forestier, aujourd'hui, essaie d'adapter sa gestion justement pour à la fois répondre aux besoins de la société et puis en même temps tenir compte des incertitudes. Mais c'est intéressant de voir effectivement que déjà à cette époque-là, on avait bien conscience de l'évolution des forêts. Francis Martin, votre sentiment ? Oui, je crois qu'il y a un point que j'ai apprécié là dans le commentaire de ce spécialiste interrogé en 1952, c'est bien de rappeler que la forêt qui nous entoure, elle n'est pas immémoriale, c'est-à-dire qu'on a le grand public ou nous tous peut-être avons une nostalgie de cette fameuse forêt celtique. Mmh. En réalité, ça fait 8000 ans qu'on déforeste et qu'on coupe les arbres en Europe et ça fait que 170 ans qu'on reboise en France. Donc à l'image que l'on a aujourd'hui de la forêt qui couvre 31% du territoire métropolitain, c'est quelque chose de très récent. Mmh. À la fois, la surface forestière, la surface boisée a considérablement augmenté depuis la fin du 19e siècle, mais sa composition, comme Laurent le disait, sa composition a profondément changé et va encore changer. Mmh. C'est intéressant parce qu'on parlait au cours d'une autre émission, y compris de la forêt amazonienne qu'on imagine être une forêt primitive ou sauvage et qui en fait n'a cessé d'être façonnée, y compris bien par les populations et par les apports au fur et à mesure depuis 15, 20, 30 000 ans, Laurent Tillon. Oui, et c'est vrai qu'on a cette image de la forêt qui est un peu figée finalement parce que c'est difficile de se projeter sur le long terme quand on est en forêt. Finalement, on est face à des organismes qui peuvent vivre 150, 200, 300, 400 ans, alors que nous, finalement, on est sur un pas de temps qui est quand même beaucoup plus réduit. Et puis, c'est vrai que la science moderne, notamment des techniques très modernes de télédétection, nous ont apporté des informations cruciales sur l'évolution des forêts et on a redécouvert ces derniers temps, notamment des zones de forêt qu'on imaginait effectivement très très forestières depuis très longtemps, qui ont été occupées par l'homme il y a peut-être parfois 150, 200, 500, 1000 ans, et qui démontrent bien que finalement la forêt qu'on a, c'est une forêt qui est en perpétuel mouvement et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de forêts aujourd'hui qui a pu émerger sans qu'à un moment ou à un autre il y ait une installation humaine ou une occupation humaine. C'est vrai, Francis Martin, que le chêne aurait pu disparaître complètement de France, qu'il a été maintenu par l'intervention humaine ? J'en suis convaincu. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que les collègues forestiers de l'ONF ou du CNPF me disent régulièrement. Si le chêne n'était pas materné par les forestiers, il aurait été remplacé par le hêtre depuis plusieurs centaines d'années. La forêt qu'on connaît aujourd'hui, la grande futaie régulière avec un joli, en tout cas dans le nord de Paris, dans le Grand Est, où on a un joli mélange de chênes et de hêtres. C'est une forêt complètement jardinée et qui n'existerait pas sans l'homme. Le hêtre prendrait très rapidement le dessus. Laurent Tillon. Et d'ailleurs, effectivement, je confirme ce que dit Francis. On a des observations, notamment dans plein de forêts sur lesquelles on a pour habitude de régénérer la forêt au profit du chêne, notamment on a des chênes adultes et puis on souhaite avoir des jeunes chênes encore à l'avenir. Et c'est une lutte un peu perpétuelle contre le hêtre. Alors, je dis lutte, c'est peut-être un terme qui est pas tout à fait adapté, mais il est vrai que naturellement, le hêtre, c'est l'essence, l'espèce forestière qu'on appelle climacique, c'est-à-dire celle qu'on voit arriver en fin de cycle forestier, naturellement. Mmh. Et on a pu l'observer d'ailleurs dans certaines réserves dans certains secteurs qu'on dédie complètement à la biodiversité depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on ne touche plus du qu'on tout. Qu'on ne touche on plus du tout. Naturellement. Exactement. Et les premières, d'ailleurs, ont été mises en place en forêt de Fontainebleau. C'est les peintres de Barbizon qui avaient souhaité qu'on développe des grandes réserves qu'on a appelées des réserves artistiques. Elles ont été mises en place dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc elles ont à peu près 150 ans. Et ce qu'on y observe aujourd'hui, c'est que ces grandes réserves qui étaient à dominante de chênes ont progressivement laisser la place au hêtre qui s'est développé en sous-étage. L'avantage du hêtre, pour lui, c'est qu'il est capable de se contenter de très très peu de lumière. Et il peut, entre guillemets, végéter, là aussi le terme est peut-être pas tout à fait approprié, mais il est capable d'attendre qu'à un moment, un puits de lumière lui offre la possibilité de gagner de la place, de monter dans les altitudes pour progressivement prendre complètement sa place et par contre, se développer suffisamment pour occulter intégralement l'espace forestier et empêcher à la lumière d'accéder au sol. Et c'est comme ça que progressivement, le hêtre s'installe en éliminant le chêne. Et c'est quelque chose qu'on peut observer assez régulièrement en gestion. Du coup, on en vient à être assez attentif à ça. Le hêtre, bien sûr, a sa place. C'est normal de lui laisser sa place. Mais si on n'est pas attentif, à un moment, c'est lui qui gagne tout le sous-bois et qui fait disparaître définitivement la possibilité pour le chêne de s'exprimer. Francis Martin, vous avez un arbre de prédilection, vous ? Ah ben, mon arbre totem, c'est le chêne. Pour les points que Laurent évoque dans son livre, à la fois c'est un arbre qui est lui-même une plante qui est magnifique. C'est une plante qui est majestueuse. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, quand je regarde un chêne, de voir tous les aspects, au-delà des aspects esthétiques, des aspects économiques. Ce qui est vraiment touchant, c'est les aspects culturels. C'est-à-dire que c'est un arbre qui s'enracine dans notre mémoire collective et qui, depuis des milliers d'années, à aider l'homme à vivre, et je pense que ça, on le garde en mémoire. Je dis pas que c'est le plus bel arbre de tous les arbres, hein. Les séquoias de Californie sont encore plus magnifiques et plus majestueux, mais finalement, ils ont vécu longtemps seuls, hein, sur le continent américain, alors que nos chênes côtoient l'homme et les tribus humaines depuis la recolonisation de l'Europe post-glaciaire par le chêne. À tout moment, le chêne a été accompagné par l'homme, ou il a accompagné l'homme. Peut-être que l'homme, déjà, il y a 6 ou 7 000 ans, a aidé le chêne à recoloniser les territoires européens. Donc c'est cette connexion entre le chêne, arbre superbe, et l'homme qui, moi, me touche beaucoup. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc du chêne tout au long de cette heure en compagnie de Laurent Tillon et de Francis Martin. Peut-être qu'on peut revenir à un peu de phylogénétique. Ça vient d'où ? C'est quoi exactement d'ailleurs un chêne, Laurent Tillon ? Comment est-ce qu'on le définit scientifiquement ? Scientifiquement, c'est un arbre qui a la particularité d'avoir un bois qui est relativement dur, qui dans la phylogénie en fait est dans une grande famille qui accueille tout un tas d'espèces, notamment d'ailleurs d'autres espèces comme le hêtre ou d'autres essences forestières, et qui a la particularité d'accueillir une grande diversité d'espèces, c'est-à-dire qu'on a plusieurs centaines d'espèces de chênes de par le monde, et il est caractérisé par la production d'un fruit à coque, le gland, qui effectivement est protégé et qui est plein de réserves nutritives qui sont très importantes. Et notamment parmi du coup les chênes qu'on trouve en Europe, il y en a quelques espèces. Il y a notamment le chêne sessile, Quercus petraea, qui est d'ailleurs, voilà, si on reprenait son nom scientifique, en fait c'est l'arbre dur comme le roc, celui qui est capable petraea, qui est capable de durer dans le temps, qui est capable d'affronter les éléments, et puis du coup c'est un arbre d'ailleurs, comme le disait Francis, qui a accompagné l'homme tout au long de sa progression en Europe, et c'est un arbre qui a tout un tas d'utilités. Et notamment parce qu'il a des propriétés particulières, tant dans son bois que dans son développement. C'est un chêne qui a une place toute particulière pour le forestier, je pense, et pour beaucoup de gens qui apprécient la forêt. Francis Martin, vous voudriez ajouter des choses à cette définition, à cette carte d'identité phylogénétique au sens large du terme ? Il faut pas oublier que on dit souvent le chêne. Il y a au moins 600 espèces de chênes. C'est une immense famille avec des représentants en zone tropicale, subtropicale, tempérée. Donc c'est quand même un groupe d'espèces qui a énormément de plasticité, qui a su s'adapter à de nombreux habitats au cours des centaines de milliers d'années qui viennent de s'écouler. Et même en Europe, on a plusieurs dizaines d'espèces de chênes. Donc c'est aussi porteur d'espoir, hein, pour nous autres forestiers qui sommes inquiets de voir l'impact du changement climatique sur les forêts actuelles et sur les espèces de chênes, et en particulier celles qui colonisent au nord de la Loire, notre territoire. On peut souhaiter, on peut espérer que les espèces de chênes plus méditerranéennes, plus adaptées à la sécheresse, puissent venir aider leurs compagnons, leurs frères, ici dans nos régions. On parle, Laurent Tillon, du chêne comme une espèce ingénieure. Qu'est-ce que ça signifie, une espèce ingénieure ? En fait, c'est une espèce qui a la particularité de constituer en elle-même, en tout cas les individus que représente chaque individu chêne, est capable de constituer une forme d'habitat qui va être réemployée et réutilisée par tout un tas d'autres espèces, en plus de contribuer vraiment à forger la structure de l'habitat en lui-même. Le chêne, il a cette particularité de prendre vraiment sa place en forêt, et de par tous les éléments qui le constituent, à la fois le système racine racinaire, à la fois le tronc lui-même et son écorce rugueuse, et puis ensuite, après tout son houppier avec le feuillage correspondant, à la particularité d'héberger de nombreux taxons, de nombreuses espèces, que ce soit d'ailleurs des champignons, que ce soit des lichens, des bryophytes, ces mousses qu'on trouve sur les troncs, mais aussi tous les insectes et les micro-organismes qui vont les utiliser. Et si on le regarde à la loupe, on se rend compte que chacun de ces compartiments constitue un véritable petit écosystème en lui-même qui héberge effectivement ces espèces dans des conditions qui vont être propres à chacun de ces compartiments. Prenons le cas de l'écorce. Vous voyez, l'écorce avec ses fameuses lanières vont avoir la particularité, dans certains cas, il suffit en plus qu'il y ait un petit défaut qui se glisse ici ou là, de constituer vraiment un petit espace dans lequel tout un tas d'organismes vont venir s'installer avec les prédateurs, avec les parasites, avec ceux qui vont essayer de soutirer de l'énergie à l'arbre lui-même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va le voir, et vous en parlez d'ailleurs très bien, étape par étape, dans l'histoire de ce chêne que vous appelez Quercus, que vous avez rencontré, dont vous allez nous reparler. C'est que vraiment, du système parasitaire au commensalisme, à la symbiose, du début de sa vie jusqu'à même sa mort, puisque même une fois mort, le chêne continue de participer à cette vie trophique extrêmement, extrêmement riche, peut-être plus riche que d'autres essences, Francis Martin? Oh, peut-être pas plus riche, hein, mais je pense que cette notion qu'on évoque là, c'est la notion d'arbre-monde, d'arbre-univers. Et ça, c'est primordial de bien faire saisir à nos auditeurs que chaque être vivant, et les arbres en particulier, sont en interaction permanente, en dialogue constant avec une multitude d'organismes, micro-organismes, animaux, végétaux. Et c'est ça qui est important, c'est de montrer la fragilité à la fois de ce système, mais toute sa beauté, puisque là on a le résultat avec le chêne et son cortège d'organismes, c'est le résultat de plusieurs millions d'années d'évolution. Mm-hmm. Donc ça, c'est un point qui est vraiment critique. Mais tous les arbres, toutes les plantes sont en interaction permanente avec un microbiome, avec un cortège de micro-organismes et d'autres animaux ou d'autres plantes. Mm-hmm. C'est une notion qu'il faut vraiment bien garder à l'esprit. Il n'y a pas d'être... C'est Marc-André Sélos qui disait « jamais seul ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas un organisme sur notre planète qui est seul, on est tous en interaction permanente sur notre peau, sur les arbres, sur leur écorce, sont en interaction avec un cortège d'organismes. Il en dépend, et ces organismes dépendent du chêne, à la fois comme hôte, mais également avec des interactions plus complexes, des signaux, des molécules, des fois des éléments nutritifs, sont échangés entre les partenaires. Mmh. Tout ça dans un équilibre délicat et complexe. Mmh. Oui, on peut rappeler, pour celles ou ceux qui ne le savent pas encore, que nous-mêmes, nous hébergeons plus de bactéries, de virus étrangers que de cellules propres à notre propre corps. Vous vouliez réagir également, Laurent Thion? Oui, je voulais réagir en ajoutant que, malgré tout, avec toutes les essences forestières qu'on peut trouver notamment en Europe, il y a des études qui ont montré dans les années 60-70, notamment sur les insectes qui pouvaient être hébergés par les arbres, que le chêne avait une particularité. C'est qu'il était très attractif au point que quand on comptabilisait par exemple dans le groupe des coléoptères ou dans le groupe des diptères, ou des lépidoptères, tout ça c'est des familles d'insectes qui dépendent en partie de la forêt, qui dépendent du bois, mais beaucoup d'entre eux dépendaient du chêne bien plus que d'autres essences, que les bouleaux, que les pins, que le hêtre aussi, que le tilleul. Même si toutes ces essences-là hébergent une biodiversité particulière, malgré tout le chêne il en héberge plus. Alors ça c'est quand on a une vision comptable des choses. C'est ça. Après, quand on s'intéresse à la fonction de chacune de ces espèces, ou alors à la rareté de certaines d'entre elles, il n'empêche que certaines de ces espèces sont uniquement inféodées à une ou l'autre espèce d'arbre. Et c'est en cela qu'il ne faut pas faire un tri en disant le chêne, parce qu'il cumule plus d'espèces, il est plus important. Non, toutes les espèces ont leur rôle à jouer. Bien sûr. Si on repart de cet arbre que vous avez rencontré, peut-être racontez-nous pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que c'est que ce chêne en particulier, qu'est-ce qu'il a déclenché en vous pour que vous vous lanciez dans cette espèce de grande enquête pour en retracer l'histoire depuis sa naissance, depuis le premier gland jusqu'à aujourd'hui? Pour faire court, la rencontre, elle s'est opérée il y a une trentaine d'années. J'étais adolescent avec mon vélo dans une période, comme je pense beaucoup d'adolescents, je me cherchais dans la vie, je savais pas quelle place j'allais avoir. Et j'étais sur mon vélo après un moment un chemin en sable, qu'il était compliqué à franchir, et pédaler sur du sable pour pour les sportifs, on sait que c'est compliqué. Il y aura des bons mollets. Voilà, exactement. Et en arrivant juste après cette zone de sable sur un chemin qui était beaucoup plus accessible, la chaîne de mon vélo a sauté. Elle a sauté juste au niveau de ce sanctuaire dans lequel il y avait ce chêne. Et j'ai ressenti une forme de sérénité. Alors que juste avant, je me sentais complètement désarçonné par les difficultés qui jalonnaient ma vie. Là, j'ai trouvé complètement un espace dans lequel je pouvais aller me ressourcer. Et j'y suis revenu à de nombreuses reprises. La rencontre avec le chêne, en fait, elle s'est opérée d'ailleurs un peu dans le temps. Ça n'a pas été immédiat. Je me suis d'abord posé contre un autre arbre, contre un être qui est voisin de ce chêne. Et puis, à un moment, j'ai trouvé une assise particulière sur ce chêne, c'est-à-dire au niveau de l'empattement, la zone de démarrage des racines, mais qui sont encore visibles au niveau du collet, c'est-à-dire la zone d'insertion entre le tronc et le sol, qui était suffisamment large pour constituer comme un fauteuil me permettant de m'asseoir confortablement. Et donc, je m'y suis mis. J'y suis revenu dans le temps. Et puis, au fur et à mesure, du coup, c'est là que j'y suis revenu pour les grands moments de ma vie. Et je l'ai observé. J'ai regardé la forme de cet arbre. J'ai regardé la forme de ses voisins. J'ai regardé son environnement. Et notamment avec tout ce qu'on entend ou ce qu'on peut lire justement sur la forêt aujourd'hui, j'avais envie de partager la manière dont moi j'avais pu vivre une forme d'interprétation des différents indices qu'il y avait de visibles autour de moi, autour de ce chêne, pour le traduire en termes d'histoire forestière et d'histoire de ce chêne. Et c'est simplement en m'appuyant sur ces indices que j'ai voulu raconter, effectivement, en imaginant un petit peu l'histoire de Quercus. Alors, à titre personnel, je veux dire que c'est un livre que, quand vous l'ouvrez, moi, je suis tombé dessus pendant un week-end, je l'ai pris, je ne l'ai plus lâché. Francis Martin, c'est une enquête assez passionnante, parce que c'est le livre, il faut raconter que le livre est décrit époque par époque et en avançant dans l'histoire de ce chêne qui a 240 ans, c'est évidemment une histoire du rapport de l'homme avec la nature qui est racontée, et pas uniquement avec d'ailleurs les espèces forestières, mais avec plein d'autres espèces animales, dont le loup qui fait une intervention, une disparition plutôt un moment. Francis Martin, ça vous a inspiré cette lecture ? Ben complètement. C'est vraiment une approche passionnante. Je pense que c'est vraiment une approche à favoriser quand on veut sauvegarder, quand on veut protéger. Il faut pouvoir nommer et il faut pouvoir comprendre. Donc aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des pressions très fortes pour modifier notre façon de gérer la forêt, d'exploiter la forêt. C'est presque dans beaucoup de régions de France et du monde, d'ailleurs, une lutte entre les environnementalistes qui voudraient bien ne plus toucher à la forêt, ne plus couper un chêne, et puis ceux qui ont une vision plus modérée de la forêt, qui sentent bien la nécessité de l'exploiter. Mais je pense que si on veut la protéger, cette forêt, si on veut protéger les chênes, ben, il faut apprendre à les connaître. Et là, on a vraiment on rentre dans l'intimité de cet arbre avec le livre de Laurent. Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est très réjouissant, en effet. Comment vous avez organisé votre enquête, Laurent Tillon? Comment est-ce que vous avez trouvé ou évalué l'âge de ce chêne Quercus? Comment est-ce que vous avez imaginé finalement sa naissance? Et racontez-nous un peu le travail d'enquête que vous avez mené. Le travail d'enquête, il s'est mené de deux manières. La première chose, c'est vraiment l'observation. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs, qu'ils soient amoureux de la forêt, amoureux des arbres ou pas, d'ailleurs, de se poser par moments et d'observer ce qui les entoure. En fait, moi, ça a été ça. Ça a été beaucoup de temps de contemplation, simplement. Et puis, à d'autres moments, le besoin de comprendre la forme de l'arbre. Vous voyez, l'arbre, chaque compartiment, chaque branche, chaque feuille est toujours attiré par la lumière. Et du coup, votre arbre, quand il va pousser parce qu'à un moment, il a une occasion d'accéder à la lumière. Et ça, quelque part, après, quand vous regardez la forme des branches, la forme du houppier, c'est-à-dire le houppier, c'est ce qui constitue l'ensemble des branches qui sont tout en haut. Mais vous avez une petite idée de la manière dont l'arbre a dû pousser. Pourquoi pas les congénères ou d'autres espèces qui ont pu être à côté de lui pour l'empêcher de pousser dans telle ou telle direction. Ça, c'est un premier élément qui peut être important. Regardez l'architecture de l'arbre. Mais en même temps, regardez la végétation, la structure du paysage qui se trouve tout autour. Vous voyez, autour de cet arbre, par exemple, il y a des pins. Et les pins, ils sont notamment beaucoup décriés parce qu'on considère que voilà, ils n'ont pas leur place dans certaines forêts, notamment du centre de la France ou du bassin parisien. C'est vrai, mais ils sont le fruit d'une histoire, c'est tout un héritage. Et j'ai voulu m'intéresser, par exemple, à cet héritage. Et dans ma forêt, je dis dans ma forêt, en tout cas dans la forêt de Quercus, il y a une particularité historique, et c'est que dans les années 1870, on était en guerre contre contre la Prusse. Il a fallu que, à un moment, tous les forestiers soient embarqués sur le front pour participer à l'effort de guerre. La forêt a été, entre guillemets, abandonnée pendant quelques temps. Au moment où, malgré tout, des gens restaient dans les villages à exploiter les ressources disponibles, notamment l'élevage. Et on pratiquait l'éco-buage qui visait à rajeunir l'herbe et puis à permettre au bétail d'avoir une herbe de meilleure qualité. Sauf que, on le sait, et ça a été documenté dans différents documents, certains incendies, certains feux nous ont échappé et ont brûlé des centaines et des centaines d'hectares de forêt. Et finalement, cette zone de pins, elle est issue de quoi? Alors déjà, il y a de la fougère en dessous qui nous permet de démontrer qu'effectivement, la fougère étant une espèce végétale pyrophile, c'est-à-dire qu'elle est attirée par le feu et elle est favorisée par le feu une fois que le feu a fait place nette. Et donc, beaucoup des fougères qu'on a dans les forêts du bassin parisien sont la preuve du passage d'un feu par le passé. D'éco-buage qui était une pratique courante. Exactement, exactement. Et par ailleurs, le pin a été replanté dans les années 1890 suite aux incendies qui avaient tellement tout brûlé qu'il n'y avait même plus de sol, il n'y avait plus d'humus. Or, tous vos arbres, notamment le chêne, quand vous grattez un petit peu le sol, il repose pas directement sur la roche-mère, sur le sable, ou pourquoi pas sur du grès ou autre chose. Il lui faut une couche de sol, de laquelle il va tirer les éléments nutritifs dont il a besoin pour pousser. Les forestiers à l'époque, faut se remettre quand même dans la situation de l'époque, on est au 19e, et les forestiers de l'époque avaient compris que sans un sol, pour accueillir les futurs chênes, on n'arriverait pas à replanter du chêne et à avoir une nouvelle succession forestière. Ils ont donc pris la décision de planter du pin pour reconstituer un sol d'aiguilles qui n'aurait pas forcément été la panacée pour les chênes. Par contre, on aurait pu reconstituer un premier sol qui aurait permis une nouvelle rotation par un autre feuillu qui accepte beaucoup plus l'acidité des sols produits par les aiguilles de pin, le châtaignier. Et ils avaient écrit dans le premier aménagement forestier de la forêt de 1890 qu'on pouvait planter d'abord du pin pour ensuite aller vers une rotation de châtaignier et enfin retourner vers du chêne. Là, on se projetait à échéance de 250 à 300 ans devant nous. C'est quand même assez considérable. Et ça, en fait, quand on commence à cumuler les différents indices, on comprend la place du pin, la place de la fougère qui se trouve tout autour de nous et notamment à proximité de Quercus. Et puis, il y a différents indices comme ça qui laissent suggérer que, notamment, notre chêne, il a fallu qu'il s'installe à un moment donné. Alors, j'avoue qu'il y a un moment, il a bien fallu que j'imagine comment il pouvait s'installer. Et notamment, il y a un reste de roncier juste à proximité. Et très probablement que le chêne, en fait, a produit, le chêne parent dont est issu Quercus, a produit des glands. On était à une période où la forêt ressemblait plus à de la lande boisée qu'aux forêts qu'on connaît aujourd'hui. Et probablement qu'il y avait aussi un pâturage très fort qui était autorisé, notamment par des cochons. Et il a fallu que ce gland soit transporté dans le roncier pour avoir la protection suffisante contre les herbivores avant de pouvoir enfin s'exprimer et donner le chêne qu'on connaît aujourd'hui. C'est le début de cette enquête historique absolument passionnante. Vous allez voir que les chênes, on parle d'un chêne, on parle de Quercus, mais que les chênes en fait parlent entre eux, qu'il y a un réseau forestier de communication, d'entraide, de concurrence aussi. On va continuer à évoquer cette histoire d'un chêne en particulier pour parler de tous les chênes en général dans la deuxième partie de cette émission. Frosty de Kunzite, vraisemblablement, à 16h35 sur France Culture. Je suis désolé pour si j'ai écorché le nom du groupe. C'est toujours en soutien à la scène musicale française indépendante. Nous parlons de chaînes tout au long de cette heure en compagnie de Laurent Tillon, qui est responsable biodiversité de l'ONF en charge des inventaires naturalistes, et Francis Martin, directeur du laboratoire d'excellence Arbre dans l'unité interaction arbre-micro-organisme de l'INRAE à Nancy. Eh bien, forcément, quand on parle d'arbres et de forêts, on a envie de s'y rendre, pas en forêt de Rambouillet pour le coup, mais dans la forêt de Barbeau, qui est, c'est pas loin de Fontainebleau, est installée une plateforme de recherche du laboratoire écologie systématique et évolution, plateforme dédiée à l'étude des chênes et des charmes, et plateforme que vous êtes allé visiter. Taboum Denchok, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En effet, si on connaît les chênes de mieux en mieux, comment ils se développent, respirent et se nourrissent de soleil, il reste une série de mystères qu'essaie d'élucider Daniel Berveillé, directeur de la plateforme de recherche, et Nicolas Delpierre, écophysiologue et spécialiste du fonctionnement des forêts. Des sites comme celui-ci permettent à leur équipe de développer un modèle qui vise à comprendre ce que va devenir l'écosystème forestier dans les décennies à venir. Évapotranspiration, flux de carbone, vieillissement des feuilles et bien d'autres paramètres sont utilisés dans ce but. Alors par exemple, on ne sait pas exactement ce qui détermine le moment de la fructification, ni même jusqu'où peuvent descendre leurs racines les plus fines. Je suis justement allé retrouver les chercheurs un jour où ils mesuraient la profondeur à laquelle les chênes peuvent puiser de l'eau, surtout dans les périodes de sécheresse qui sont de plus en plus courantes. Nous sommes ici en forêt de Barbeau, c'est une forêt domaniale située en Seine-et-Marne. Alors c'est une forêt mature de chênes, qui est située en bordure de Seine, à côté de la forêt de Fontainebleau. On a deux espèces particulières sur ce site, qui sont le chêne Cécile, et en sous-étage, nous rencontrons des charmes. Et donc les chênes sont plutôt matures, c'est des gros chênes adultes qui ont entre 150 et 200 ans, qui font pour la plupart entre 28 et 30 mètres de haut. Et ils ont, comme vous pouvez le voir, des circonférences relativement imposantes, allant de 20-30 cm pour les chênes moyens, jusqu'à certains individus pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre, voire un peu plus. Et sur ce site, on a installé en 2005 un site de recherche forestière, doté notamment d'un pylône qui nous permet de suivre un certain nombre de paramètres scientifiques. L'enjeu ici sur ce site, c'est de mesurer un certain nombre de paramètres qui nous permettent de suivre les flux de carbone et de vapeur d'eau entre la forêt et l'écosystème, de connaître un peu la manière dont les arbres sont capables de pomper l'eau dans le sol, et on a en haut du pylône un dispositif de mesure de flux qui va nous mesurer l'évapotranspiration de la forêt. On va observer aussi des choses plus fines, on va dire, liées au fonctionnement de la photosynthèse. On a en haut de la tour un certain nombre de capteurs qui vont mesurer des signatures optiques dans différentes bandes spectrales du rayonnement, et ça va nous permettre de suivre en partie la phénologie, la mise en place des feuilles, mais également leur chute à l'automne. Savoir si on a des variabilités interannuelles de la mise en place de ces feuilles. D'accord, donc comme en fait vous observez cette forêt à l'année, vous pouvez anticiper la façon dont les individus, les arbres vont se reproduire, si les glands peuvent bénéficier des variables pour pousser, donner des nouveaux arbres. Alors, c'est une très bonne question. Pour ce qui concerne la fructification, donc la fabrication des glands par les chênes, c'est quelque chose de plus compliqué. L'élément qu'on met tout de suite en avant, c'est... La fabrication des glands, la construction des glands par les arbres, représente un certain coût carboné. Et donc, la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on relie la production de matière, de la biomasse sur pied, les racines, la croissance, la production des fruits, avec la quantité de carbone qui est absorbée par la végétation. Donc, on associe, il y a 30% de carbone qui va être absorbé, qui va aller vers les glands, vers les feuilles, etc. Et année après année, on va comparer ça pour voir qu'est-ce qui pourrait expliquer justement la fabrication des glands. Alors c'est très certainement aussi associé à la présence d'eau dans le sol, mais c'est pas aussi clair que ça. On est en train d'étudier ça justement pour mieux comprendre ce qui se passe. Tout ça, c'est aussi complété par des mesures plus ponctuelles, dont une qui a lieu aujourd'hui, c'est bien ça? Tout à fait, voilà. Donc ce qu'on fait, en plus de toutes les mesures automatisées qui sont réalisées sur le site, on réalise donc d'une part toutes les semaines des mesures de croissance pour l'ensemble du peuplement. Ça représente une centaine d'arbres répartis sur toute la parcelle de Barbeau. On réalise des mesures d'humidité du sol avec une sonde qu'on insère dans des tubes que vous pouvez voir là. Donc ça nous permet d'avoir une idée de la variabilité spatiale. Nos sondes actuelles sont capables de voir ce que les arbres pompent dans le sol jusqu'à 1,50 m. Mais vu le bon état de santé de la forêt à la suite des sécheresses successives qu'on a eues les dernières années, on est quasi certain que les arbres sont capables de pomper de l'eau beaucoup plus en profondeur. Voilà. Et donc, qui sont capables, en gros, de résister aux sécheresses qu'on a pu voir les années précédentes. Et donc, c'est tout à fait l'objet de cette étude aujourd'hui. Donc là, on vient d'installer des câbles dans la forêt. On a 48 mètres de câbles qui ont été installés, qui définissent ce qu'on appelle un transect, c'est-à-dire une distance linéaire le long de laquelle on va mesurer la résistivité du sol. En fait, on a un appareil qui va injecter du courant dans des électrodes qui sont disposées à intervalles réguliers le long du câble et qui va mesurer donc la résistance au transfert du courant entre ces électrodes. Cette résistance dans le sol, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend de la structure du sol, elle dépend des températures aussi, mais elle dépend, et là c'est ce qui nous intéresse, elle dépend du contenu en eau du sol. Donc plus le sol est humide, plus le sol est conducteur, et plus il est sec, moins il est conducteur. Et ce que nous permet, ce à quoi nous permet d'accéder cette méthode, et que ne nous permettent pas d'autres méthodes, c'est d'avoir des mesures à plusieurs mètres de profondeur, qui à nouveau, pour nous, sont très intéressantes, parce que on fait l'hypothèse, on n'en est pas encore certain, mais on pense que grâce à ce type de mesure, on va pouvoir savoir à quelle profondeur les arbres prélèvent de l'eau dans le sol. On se rend compte que les arbres, ici, les chênes notamment, émettent beaucoup de vapeur d'eau et plus que ce qu'on imaginait par rapport à la teneur en eau du sol qu'on avait mesurée ou qu'on imaginait. Voilà, tout à fait. Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a vu au cours des trois dernières années, 2018, 2019, 2020, qui ont été particulièrement sèches dans la région, que les arbres continuaient à produire des quantités de vapeur d'eau très très importantes. Ça, on le voit grâce à la tour à flux qui est ici. Et cette eau, elle est puisée dans le sol, de fait, parce qu'il y a très très peu de pluie estivale. Ils répondent à la sécheresse, mais certainement moins que des arbres qui seraient sur des sols moins profonds ou plus drainants, comme on peut avoir sur le massif de Fontainebleau même, où là, on a des arbres qui sont plus en difficulté du fait des sécheresses, parce qu'ils ont un sol qui retient moins d'eau et donc sont soumis à des sécheresses plus prononcées. Voilà ce reportage dans la forêt de Barbeau. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Francis Martin ? Je pense que là, on a un bel exemple des recherches qui sont conduites depuis, je dirais, une bonne trentaine d'années, et qui nous ont permis de considérablement améliorer notre connaissance du métabolisme de l'eau chez les arbres. Mmh. Évidemment, compte tenu des situations actuelles du changement climatique, des sécheresses qui se répètent, c'est vraiment un apport important des recherches. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que, évidemment, l'arbre, il va dépendre de ses racines profondes pour absorber l'eau. Elles sont indispensables à son fonctionnement, mais il y a toute une partie du système racinaire qui est plutôt superficielle, ou en tout cas les 20, 40, 60 premiers centimètres du sol, qui sont colonisés par des milliards de petites racines de radicelles qui, elles, absorbent les éléments nutritifs comme l'azote, le phosphate, les micro-éléments. Et ce sont ces petites radicelles qui interagissent en priorité avec le cortège d'organismes, de micro-organismes comme les champignons mycorhiziens. Donc il y a finalement l'arbre, il y a un joli découplage entre le système racinaire, la partie du système racinaire qui est chargée d'absorber l'eau et qui peut descendre très profondément dans le sol et qui en même temps joue son rôle d'ancrage pour ces grands organismes. Et puis il y a un monde qu'on connaît beaucoup moins bien aujourd'hui, dont on connaît moins bien les fonctions, c'est toutes ces milliards de petites radicelles qui vont alimenter l'arbre en éléments nutritifs. Et on connaît mal aujourd'hui l'impact de l'environnement, du climat, et en particulier du microclimat, c'est-à-dire le climat qui, les conditions environnementales, température, humidité, qui sont à la surface du sol et qui probablement impactent énormément le fonctionnement du système racinaire du chêne et des arbres qui lui sont voisins. On avait consacré une émission entière justement à la complexité de ces systèmes racinaires, où on avait détaillé une partie des choses que vous évoquez également, la symbiose sur les mycorhizes et les ectomycorhizes entre les champignons et les racines de l'arbre. On vous a mis les liens comme d'habitude sur le fil Twitter si vous voulez vous y référer. Peut-être un mot également, Laurent Tillon, sur ce qu'on vient d'entendre sur ce reportage et sur les études en cours que vient d'évoquer Francis Martin. Oui, à la fin fin des années 80, on a commencé à vraiment mettre en place des dispositifs d'observation de la forêt. Et c'est vrai que, notamment à partir des fameuses pluies acides qu'on a vu traverser l'hémisphère nord dans le courant des années 80, on s'est rendu compte finalement que les forêts, elles étaient peut-être un peu plus fragiles. Et là, on a vraiment commencé à s'intéresser à la physiologie de l'arbre, à la vie de la forêt, à la manière dont tout ça fonctionnait, justement aux interactions. Alors, ça a pu prendre du temps dans certains cas, mais on a développé tout un champ de recherche pour vraiment mieux appréhender la manière dont fonctionnait la forêt. Et il y a notamment des systèmes avec des placettes observées depuis 30 ans où les arbres, tous les arbres sont scrutés les uns après les autres et nous ont permis justement de commencer à découvrir des choses. Et notamment, Francis évoquait les difficultés que peuvent rencontrer les arbres avec le climat. C'est vrai que d'observer la réaction des arbres dans le temps à différents facteurs environnementaux nous a permis de détecter un petit peu avant l'heure le fait que finalement en forêt, il y avait peut-être une sensibilité des arbres à ce qui se passait dans notre environnement. À l'époque, on n'avait pas encore conscience complètement que les arbres réagiraient finalement avec autant de difficultés au changement climatique, mais on avait commencé à percevoir qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait les observer. La deuxième chose que je dirais aussi, c'est que on se rend compte aussi ces derniers temps que finalement dans la réaction des arbres, on s'intéresse de plus en plus à la réaction individuelle de chaque arbre dans son environnement. Pourquoi ? Parce qu'on finalement, on s'est aussi rendu compte que chaque individu avait une part d'adaptation individuelle à ce qui pouvait se passer. Et c'est ce qui fait que notamment, on se rend compte que dans un peuplement forestier, parfois un arbre résiste mal et d'un seul coup se met à devenir moribond et progressivement à mourir. Parfois d'ailleurs ça peut aller très vite, alors que d'autres qui sont à côté, qu'on avait l'impression qu'ils étaient soumis à beaucoup plus de contraintes, qu'ils avaient beaucoup plus de mal à prendre leur place dans le peuplement, finalement résistent. Mais peut-être parce qu'ils ont appris à lutter et que du coup ils ont développé des capacités d'adaptation qui font que face au changement climatique, ce n'est qu'une nouvelle adaptation à laquelle ils sont confrontés. Ce qui est passionnant dans votre livre, ainsi que dans le livre de Francis Martin, Sous la forêt pour survivre, il faut des alliés, c'est que on voit que effectivement, en l'occurrence Laurentien, vous parlez d'un individu de votre chaîne de Couvercousse, mais on voit que il y a dans le couvert forestier des réseaux de communication souterrain, mais aussi aérien, enfin, que tout cela, que toutes les essences, même parfois différentes, se répondent les unes aux autres et entretiennent un réseau de communication, plutôt efficace et assez réactif, Francis Martin. Oui, c'est certainement parmi les résultats les plus excitants, ouais, qui sont issus de la recherche de ces 5 à 10 dernières années, c'est-à-dire l'existence d'un système de communication, de dialogue entre les plantes, les arbres, mais généralement toutes les plantes, qui fait intervenir soit des signaux, des molécules, des composés chimiques volatiles et qui sont émis par les feuilles, les plantes, et qui peuvent diffuser sur quelques mètres et donc alerter les autres organes de l'arbre ou de la plante, mais également les plantes voisines, et puis tout un réseau d'informations qui transiterait par le système racinaire et en particulier par ces réseaux de champignons souterrains mycorhiziens. Mmh. Donc là, on a des résultats qui sont solides sur des systèmes simplifiés en laboratoire, dans des chambres de culture, dans des serres où on met quelques arbres avec quelques champignons. Maintenant, je pense qu'il faut être prudent, on n'a pas encore assez d'informations, pas suffisamment d'informations pour démontrer que ces réseaux de communication existent réellement dans une forêt adulte, naturelle, parce que tout simplement, on n'a pas les moyens aujourd'hui de vraiment décortiquer, suivre ces mécanismes complexes à l'échelle de la forêt ou de la parcelle forestière. Donc probablement que ces communications existent, probablement qu'il y a un dialogue entre les plantes, il est certainement moins important que certains ouvrages ou certains auteurs peuvent le dire. Bien sûr, c'est prudent dans ce domaine. Voilà, tout à fait. Il y a évidemment quelques auteurs qui ont glosé ou ont peut-être fait un peu trop sur les dialogues entre les arbres, etc. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont avérées sur effectivement ce que vient d'évoquer Francis Martin et dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, des différentes voies de signalisation, des voies de signalisation très rapides mais plus coûteuses qui sont les voies de signalisation aériennes, puis des voies de communication souterraine. Il y a Comment vous l'évaluez-vous précisément, Laurent Tillon ? En fait, je voulais rebondir sur ce que a dit Francis. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, en tout cas pour la science, c'est de se mettre à la place de l'objet qu'on observe, et en particulier du végétal dans les interrelations qui le lient à l'ensemble des autres organismes qui l'entourent, que ce soit des organismes animaux, que ce soit des champignons, que ce soit d'autres végétaux. Et c'est vrai que on a du mal à se mettre un peu, entre guillemets, à la place de l'objet qu'on observe. C'est bien souvent beaucoup plus facile pour un animal, notamment un vertébré, parce qu'il y a des similitudes qui font qu'on arrive à comprendre certains phénomènes. Mais par ailleurs, c'est vrai que, en fait, on sait qu'il se passe des choses. Ce qu'on ne sait pas bien, c'est mesurer exactement quel est le niveau de ces échanges. Néanmoins, il y a quand même des éléments que l'on sait. Par exemple, quand un arbre commence à faiblir, il émet tout un tas de signaux de détresse qui visent, dans un premier temps, à le protéger lui-même contre ces fameux agresseurs. Donc il va émettre des molécules qui ont pour objectif, par exemple, de rendre son feuillage moins digeste, son bois un petit peu plus dur, un peu plus dense. Mais notamment pour prévenir l'ensemble des parties de l'arbre, imaginons une attaque qui aurait lieu en bout d'une branche. Pour que toutes les branches de l'arbre soient prévenues que ça y est, tel organisme est en train d'émerger et du coup pourrait attaquer l'ensemble de l'arbre, il faut que l'information elle puisse circuler. Et l'une des solutions adoptées par les arbres, du coup, c'est d'émettre des substances volatiles à base des alcaloïdes, qui circulent dans l'air et qui ont la possibilité, du coup, assez vite de transmettre une information assez précise aux autres feuilles de l'arbre concerné. La particularité, c'est que ces alcaloïdes non seulement préviennent les arbres voisins, quelque part, en tout cas, ils peuvent détecter certaines de ces molécules sans savoir d'où elles proviennent. C'est-à-dire que il n'y a pas un objectif précis de communication d'un arbre vis-à-vis des autres. C'est que simplement les arbres voisins captent l'information qu'il y a à proximité une partie de branche, peut-être une de ces branches d'ailleurs, qui fait l'objet d'une attaque et qu'il faut commencer à réagir. Mais par ailleurs, les organismes qui peuvent être amenés à détecter cet arbre plus fragile ont des capteurs qui leur permettent de détecter justement ces molécules. Et c'est un petit peu le revers de la médaille. À la fois l'arbre émet ces molécules pour se protéger, à la fois le fait de les émettre le rend d'autant plus sensible, ou en tout cas le rend d'autant plus détectable à tout un tas d'organismes qui peuvent être amenés à détecter une fragilité et donc à venir l'attaquer. C'est toujours le piège, Francis Martin, que ce soit d'ailleurs en botanique, mais ça peut être aussi le cas en biologie, enfin la tentation de l'anthropomorphisme qu'il faut évidemment essayer de rejeter le plus possible. Oui, même sans aller jusqu'à l'anthropomorphisme, c'est se restreindre aux connaissances scientifiques à un moment donné. C'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux existent. Physiquement, on peut les repérer, on peut les détecter, on peut les mesurer. Des composés volatiles émis par les plantes, bien entendu, ça a été parfaitement bien démontré. Maintenant, on a des résultats extrêmement solides sur ça. Mais je dirais que les émissions de ce type de molécules sont souvent limitées à 50 cm ou à 1 mètre, et le moindre coup de vent a vite fait de balayer ce type de molécules. Donc, ce qu'on ne sait pas bien faire aujourd'hui, c'est vérifier avec certitude, de façon reproductible, l'existence de ces mécanismes complexes dans les conditions naturelles de la forêt. Et encore plus dans une forêt tropicale, primaire, où il y a des milliers d'espèces d'arbres différentes qui sont entremêlées. Ça, on est loin de comprendre ça. Donc, loin de moi l'idée de dire que ces mécanismes n'existent pas. Au contraire, hein, biochimiquement, au niveau moléculaire, ils ont été parfaitement bien mesurés, caractérisés. On connaît quels sont les signaux, les gènes, les récepteurs. Mais je suis plus prudent sur la capacité de ces molécules d'être intégré au niveau de la forêt, de la parcelle, de la plantation. Maintenant, Laurent a raison, quand les épicéas sont malades, on l'a bien vu dans le Grand Est, hein, malheureusement, ils émettent des quantités importantes de phéromones, de molécules, qui attirent les scolytes, et qui viennent achever finalement les arbres malades. Donc, oui, il y a des réseaux de communication, oui, il y a des composés chimiques et autres qui sont échangés au niveau de l'écosystème. Ma frustration, elle est plus dans notre incapacité aujourd'hui, scientifique, nous autres scientifiques, de parfaitement bien mesurer ces mécanismes et de voir dans quel est le volume de l'espace forestier qui est géré par ce type de molécules, de composés volatiles. Mmh, mmh. Il est vrai, Laurent Tillon, il y a une idée reçue qui dit que, ou qui voudrait que le chêne, plus que toute autre essence, a cette capacité ou cette faculté à sacrifier des parties, à sacrifier des branches qui sont attaquées ou qui sont un peu malades pour préserver l'intégralité ou le reste, en tout cas, de l'arbre. C'est... Oui, et puis, alors il y a notamment certains arbres qui nous font réfléchir sur le sujet. Il y a notamment quelques arbres. Je pense à l'un en particulier dans le canton d'Oxford. C'est assez étonnant. C'était un arbre qui faisait plus de 30 mètres de haut. Et puis à un moment, une partie de la cime a cassé à cause d'un coup de vent. On aurait pu croire que l'arbre allait mourir. Et il avait juste une branche qui était un petit peu plus basse et de laquelle il est reparti pour reformer une couronne tout autour. Et il a abandonné la partie haute. Et il a constitué sa nouvelle couronne et ça fait déjà 100 ans finalement que la partie haute a cassé. Et c'est vrai que notamment quand on va en forêt, parfois dans des belles forêts un peu cathédrales, on voit des chênes avec les branches basses qui sont toutes mortes. Et l'une des réactions du public souvent, c'est de se dire bah, cette forêt est en train de mourir. En fait, pas du tout. Simplement l'arbre, notamment les chênes. On sait qu'aujourd'hui, voilà, les chênes c'est une espèce de lumière. Ils ont besoin d'avoir de la lumière directe. Si le houppier, c'est-à-dire les branches hautes, sont très très bien développées, à la limite, les branches qui sont plus basses, qui produisent des feuilles avec un rendement très très très faible, elles peuvent être abandonnées. Et c'est exactement ce qui arrive quand ces branches sont privées de lumière. À un moment, elles sont tout simplement abandonnées par le multi-organisme qu'est l'arbre. Et puis, le bois se décompose. Mais pour autant, l'arbre est en très bonne santé et peut vivre encore très très longtemps. Bon, pour conclure, comment va Quercus aujourd'hui? Il est en forme. Vous continuez à le fréquenter. Votre histoire se poursuit? L'histoire se poursuit. Il va très très bien. Il est prévu que j'aille lui rendre visite ce week-end. Et puis, il a été un peu perturbé par la météo de ce printemps, avec à la fois ses coups de froid, à la fois cette pluie, et puis lui non, mais ses voisins, certains d'entre eux, ont commencé à débourrer, c'est-à-dire à laisser sortir les feuilles. Puis à un moment, tout s'est figé et certains d'entre eux ont mis plus d'un mois à repartir et à relancer la fin de production des feuilles. Lui, il va très bien, il est en très bonne santé, il est toujours le dominant dans son secteur. merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Si vous voulez en savoir plus sur cette enquête et sur l'histoire de Quercus, c'est à lire dans « Être un chêne sous l'écorce de Quercus » aux éditions Actes Sud de Laurent Tillon. Francis Martin également, « Sous la forêt pour survivre, il faut des alliés » chez Humaine Science, et je crois bientôt, après la coopération, la guerre entre les arbres. Absolument. Il faudra attendre encore quelques mois, mais c'est prévu pour une sortie au mois de septembre. Et je souhaite juste pour conclure à Laurent de vivre encore quelques siècles pour suivre son Quercus jusqu'à sa mort. Et pour en témoigner, pour en prendre des preuves scientifiques de cette évolution. Vous pouvez également, amoureux de la nature, vous ruer sur le nouveau numéro de la revue papier de France Culture, le numéro 37, qui est consacré aux revanches de la nature. Et puis également, récemment, un podcast de Gérard Courtois et Rachel Kahn autour de des penseurs de la nature. Ils ont pensé la nature, 6 épisodes, où il y a Van Humboldt, Diderot, notamment Darwin, et j'en passe. On vous met tous ces liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Tom Hindenstock, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Natacha Triou, Noémie Naguet, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Mège à la technique. Demain, suite et fin de notre exploration du programme spatial russe, nous nous étions arrêtés à la défaite infligée par les Américains en 69. Nous poursuivrons avec les stations spatiales, l'increvable Spoutnik et la nouvelle Alliance avec la Chine. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. C'est l'histoire d'une météorite vieille de 4,5 milliards d'années ou celle terrifiante de la momie Chachapoya. Celle encore du crocodile qui mangeait des dinosaures ou de la Vénus de l'Espugue sculptée il y a 23 000 ans dans de l'ivoire. Elles sont curieuses toutes ces histoires. 40 objets, 40 histoires qui nous embarquent loin. Une coproduction France Culture et Muséum National d'Histoire Naturelle. Les curieuses histoires du Muséum. Un podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Dès le 7 juin.